Le 22 juin, Li Hye-yong, chercheuse de l'Institut du désarmement du Centre d'études des affaires internationales de Corée, a rendu public un écrit sous le titre « Le véritable aspect du provocateur abominable ». En voici le résumé. Les États-Unis mettent en cause le renforcement de la capacité de défense nationale de notre République de nature autodéfensive comme menace et provocation. Et ils font du tapage autour d'une provocation imaginaire. Surtout, l'administration Trump, qui a pris le pouvoir au début de cette année, prétend que la menace de la Corée du Nord est au niveau extrême et que tout pays, formation et individu qui soutiennent la Corée du Nord feront l'objet d'une sanction stricte. Rappelons que les États-Unis ont introduit en permanence leurs biens stratégiques nucléaires et armements sophistiqués dans la péninsule coréenne et à ses alentours pour le chantage nucléaire et la menace de guerre contre notre République. Donc, accuser de menace une mesure de renforcement de la force militaire pour l'autodéfense est une théorie barbare d'un voleur qui crie au voleur. Rejeter la responsabilité de la provocation à son adversaire et l'attaquer s'il lui paraît faible ou l'avaler au bout d'une pression obstinée s'il résiste, voilà la méthode d'agression typique des États-Unis en proie à leur nature banditiste depuis leur apparition. Il est de notoriété publique que la Corée est la plus grave victime de la provocation persistante des États-Unis. Depuis l'infiltration du navire pirate Sherman en 1866 jusqu'à présent, les impérialistes américains ont recouru sans cesse aux provocations militaires contre la Corée. Il y a quelque temps, ils ont mobilisé 2 flottilles de frappe de porte-avions nucléaires au parage de la péninsule coréenne pour livrer les manœuvres militaires conjointes d'envergure en les présentant comme si c'était la volonté de puissante dissuasion contre l'éventuelle provocation de la Corée du Nord. C'est le vrai caractère et véritable aspect des États-Unis, provocateurs ignobles, qui ne s'intéressent qu'au maintien de la tension extrême au seuil d'une guerre dans la péninsule coréenne. Les États-Unis ont une raison urgente pour nous condamner comme provocateurs. C'est leur terreur devant la puissance militaire coréenne en renforcement rapide et leur volonté de maintenir la stratégie d'alliance déjà vouée à la faillite. Mais on ne peut jamais cacher la vérité et celui qui aime le feu meurt brûlé de son propre feu. La fanfaronnade à l'américaine consistant à attaquer manu militari seulement les pays sans nucléaire et les nations faibles ne passe jamais à notre République puissance nucléaire. Ceux qui prétendent la provocation du Nord sont voués à la ruine et le monde verra nettement dans un proche avenir que l'armement nucléaire de la justice de la Corée du Sungun soumettra l'empire du mal orgueilleux avec ses armes nucléaires.